Le journal sud-coréen Tonghua Ilbo a rapporté l'information de l'agence de presse japonaise Gyodo en date du 20 courant, selon laquelle, lors de l'examen des élèves des écoles primaires pour entrer à l'école secondaire au Japon, on a présenté une question d'histoire erronée visant la conception du droit de propriété de l'île d'Oto au grand scandale de tout le monde.